menacé comme un franc dans la fente d'un jukebox. Et t'attends qu'on te pousse en buvant du viandox. Ce qu'il te faudrait c'est des gants, mais pas des gants de boxe. Sinon gare à la crise et gare au paradoxe. Mais qu'est-ce tu fous ici allongé dans cette gare? Tu t'es trompé de quai, tu vas rater le départ. T'as la gueule en compote et on dirait du cirage. T'es bon pour l'hôpital si tu voyais le carnage. Profites-en pour te faire refaire le visage. Et au point où t'en es, cherche plutôt un garage. Mais qu'est-ce tu fous ici allongé dans cette gare? Tu t'es trompé de quai, tu vas rater le départ. Bonne gueule d'ivrogne, hein. J'espère que t'as compris. Y'en a qui parlent pas mais qui cognent. Mais qu'est-ce tu fous ici allongé dans cette gare? Tu t'es trompé de quai, tu as raté le départ. Qu'est-ce que tu fous ici allongé?